Yeah, yeah. Boy, regional scars. Last Connie. Yeah, yeah. Lion Fury Sound System. Yeah, man. I'm massive. Garde la foi, garde la force. Aime ton prochain, yeah. Et Dieu te le rendra. Yeah, ça. Où j'assais. Lion Fury Sound System. Il faut garder la force. Malgré les embûches du système, il faut garder la force. Faut garder la face. Garder la force. Pour nos sisters futures mama, il faut garder la face. Il faut garder la force. Même si le système te pose toujours des problèmes, garde la pêche et pousse les limites de toi-même. Seuls ceux qui ne captent pas la puissance de leur stratagème, au jugement des hauts, y'aura un sérieux dilemme. Garder la force, même c'est ça que j'aime. La voix de Malti, ouais, mais t'es de la chance d'être avec ce j'aime. Oh non non. Seulement ce qu'on sait, mais si tout te démène, il n'y aura pas de problème. Non, faut garder la force. Garder la force. Malgré les embûches, le système, il faut garder la force. Garder la force. Oh, tous nos ghetto yachts, faut garder la force. Garder la force. Pour nos sisters futures, mama, il faut garder la force. Il faut garder la force. Oh, oh, oh. Lâche pas, bats-toi. Fais face à leur système. Dans le combat qui t'attend, ne crois qu'en Dieu et en toi-même. Fixe-toi des objectifs et esquive tous les pièges qu'ils sèment. Garde la force car crois-moi, ils se foutent que le peuple saigne. On n'attend rien de ce que nous propose l'ennemi. Ils nous traitent comme des chiens espérant qu'on succombe à l'ennui. On n'en a pas fini, donc on regarde la force et l'envie. On chantera haut et fort que l'on n'est pas de leur avis. Il faut garder la force. Malgré les embûches de leur système, il faut garder la force. Garder la force, garder la foi, il faut insister, se battre pour pouvoir imposer tes choix. Garder la force, garder tes droits, si tu ne le fais pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Garder la force, garder la foi, il faut insister, se battre pour pouvoir imposer tes choix. Garder la force, garder tes droits, car pour combattre ce système, tu sais. Il faut garder la force, garder la force. Malgré les embûches du système, il faut garder la force. Garder la force. Get on your oats for God the love.